Joanne David et Kati, Kat Bongadji dans ma Bugatti. Man c'est parti, carré VIP, pyramide, Illuminati. Un Corani qui pitch à Saint-Tropez, Marseille, Paris, Oran, New York, ok. A force de danser t'as des points de côté. Ce soir que des potés, j'vais bien voter. Je suis un mec de la jungle, baby, je pense qu'on est compatible. Ton mec t'a largué, je compatis. T'es une bombe latine, blonde platine. T'as des gros nichons en plastique. Appelle-moi Mister Bobombo Bombastique. Didi Kaiser, t'es au platine. Yallah, yallah, on coule chez moi, non.